Sais-tu que Jésus t'aime? Sais-tu qu'il laissa son trône pour mourir à ta place? Alors, ami, n'hésite pas. Reviens à lui, quel que soit ton passé. Jésus est prêt à te pardonner. Alors, ami, mais reviens à la maison. Car ta place est toujours là. Reviens sans tarder. Car demain ne t'appartient pas. Et ce monde est sur le point de se terminer. Oh, ami, mais reviens. Reviens au bercail avant les vieux jours sombres. Oh, reviens.